Me chauffe pas sur ce son. Je pars en quart de tour, mon gars, tu le sais très bien. C'est sur ce son là que je pars en quart de tour, mon gars. Je clash tout ça, je m'y connais pas. We'll be right back. cherche la Mec, hein. Tu cherches trop la merde. Mec, tu cherches trop la merde. Regarde autour de toi. Mec. Mec, tu cherches trop la merde. Tu cherches trop le caca. Regarde autour de toi. Ouvre les yeux, mon gars. 1, 2, 3. Mec, qu'est-ce que c'est que cette reverb? Voilà, reverb dans ma machine. Les nerfs me montent cordialement. Putain, reverb, test. Test, reverb. Un test, reverb, test. Un test, reverb, test. Un test, reverb, test. Yeah. What? yo, yo, yo. Woo! Thank you.